Salut tout le monde et bienvenue dans ce Bad & Play numéro 3 qui est marqué par le Nintendo Direct du 8 mars 2018 qui est le deuxième Nintendo Direct de l'année je crois et je suis donc en compagnie de Feno. Bonsoir. Et donc oui, il y avait bien une musique d'intro pour cette émission et j'avais juste créé deux scènes. Voilà, je le dis parce que tout le monde s'en fout, mais il fallait que je le dise. et je ne me souviens absolument pas de la musique d'intro. Et donc je confirme aujourd'hui, il y a des musiques d'intro pour toutes les émissions et ça fait plaisir. Sachez aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent en direct, que nous allons enchaîner deux émissions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y aura donc... le Pad & Play, suivi par le Paddy Café. Mais si vous écoutez seulement les émissions en replay ou en version podcast, sachez que le Pad & Play, vous l'avez, mais que ça sera que la semaine prochaine pour le Paddy Café. Voilà, donc aujourd'hui, on parle donc, comme je l'ai déjà dit, du Nintendo Direct d'hier, parce qu'aujourd'hui, en direct, à un moment où on enregistre, nous sommes le 9. Et voilà. Au revoir, à la prochaine. que dire de ce Nintendo Direct à part que... En fait, je crois que j'en attendais trop, voilà. Donc forcément, j'ai forcément été déçu. Je donne un mini-avis global, il y aura un vrai avis global à la fin, mais voilà. Et toi, Feno, pour ton mini-avis global ? Alors, mon avis, c'est qu'il n'était pas si négatif que ça, ce Nintendo Direct, et qu'il... une note d'un 6,5, 7 sur 10 à ce Nintendo Direct, en particulier. Il apporte des trucs assez intéressants. Non mais c'est vrai. Et pas mal en implicite. Voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et donc du coup, on va donner les news et puis justement quand ça indique quelque chose, on en parlera. Et si jamais je passe à côté, faut vraiment, enfin voilà, vas-y, hein, lance-toi dès que tu penses qu'il y a quelque chose que ça indique. Hein. Donc on va essayer d'aller dans l'ordre. Normalement, ça a été mis dans l'ordre. Peut-être qu'on a fait des erreurs, mais globalement, on va être dans l'ordre. Ça a commencé avec la 3DS, déjà. Oui. Il n'y avait pas grand-chose. Et d'ailleurs, c'était assez étonnant, à vrai dire, ce qu'il y avait. On a eu droit à un WarioWare 3DS, c'est WarioWare Gold, qui inclura tous les mini-jeux de tous les WarioWare, soi-disant, parce que je pense pas qu'il y ait les versions Wii du WarioWare. Les mini-jeux de la version Wii. Une, je crois. D'accord, parce que c'est sûr, il y aura les versions GBA avec DS, mais voilà. Et bah, ça va être un WarioWare, quoi. Et ça, j'avoue, j'achète. Bah, disons que c'est toujours le jeu qui est assez sympa pour passer du temps entre amis, qui est fun, délirant. Même ne serait-ce que tout seul pour passer du temps, c'est pratique, quoi. C'est le jeu qui. On rentre dedans, on a des mini-jeux totalement what the fuck. Oui. Ça peut le dire. Et ça occupe bien. C'est le Mario Party à la sauce Wario. Bah c'est du Mario Party solo en fait. Voilà aussi. Mais il est toujours tout à fait possible de commencer à jouer avec plusieurs personnes, c'est ça qui est assez marrant. Hein. Oui. Essayer de voir jusqu'où chacun peut aller le plus loin, faire chacun son tour, enchaîner, des trucs du genre. C'est assez sympa. J'ai passé tellement de temps sur la version Game Boy Advance et tellement de temps sur la version DS. Mais un truc de malade, hein, ce jeu. Mais les WarioWare, c'est sans doute le jeu le plus débile qui existe au monde, mais alors c'est en même temps le jeu le plus addictif. Mais un truc de fou, quoi. Donc je suis content, voilà. Alors qu'en fait, c'est juste... les gens, ils veulent un WarioWare. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tous les mini-jeux d'avant, et on va en faire 3-4 nouveaux, et on dit que c'est trop bien, parce qu'il y a tous les mini-jeux pour ceux qui ont envie, et pour ceux qui sont qui n'ont pas la fibre nostalgique, on leur dit qu'il y en a 3 nouveaux. Voilà. Non, mais voilà, du coup, il y aura 300 mini-jeux. Et ça sera cool. Près. Donc ce qui est assez énorme au final, bon ce sont des petits mini-jeux donc voilà, encore heureux qu'il y en a quelques-uns, mais ça promet quelques bonnes heures de détente et de délire pour tous ceux qui vont l'acheter. Complètement, par contre j'avais le live qui était en cours en même temps, donc là je suis dégoûté, je crois que ça entendait en double. C'est pratique. J'espère que non. C'est ce qui s'appelle le fail du polka. Bon, c'est pas grave, il n'y aura pas d'informations sur WarioWare sur le replay. Bah, on verra bien. En tout cas, si jamais vous êtes en train d'écouter la version podcast, il est possible que vous n'ayez pas le début de l'émission. Non, mais c'est surtout qu'il y a, quasi, il y a personne. Enfin, je ne sais pas si le chat déconne ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a aucun retour du tout, en fait. C'est très bizarre. Ensuite. Ah, je suis dégoûté qu'il y ait la page qui était ouverte. Mais tellement. Ensuite, heureusement que je m'en suis rendu compte maintenant. Ensuite, donc, il y a eu Dillion's Dead Heat Breaker. Je ne me souviens absolument pas ce que c'est. Parce que je ne l'ai même pas noté pour te dire. C'est, bah, c'est un jeu qui avait été annoncé un peu avant. C'est un jeu donc. Ouais, bah, du coup, c'est moi qui perds mes notes. Oui, bah, j'ai pas de soucis. Ah, si, je crois me souvenir. C'était pas ouf en vrai. Hein. C'était pas ouf. Hein. C'est du vu et revu, hein, si je dis pas de bêtises. C'est du vu et revu, mais voilà, ça va sortir. Information. Info sûre. Ouais. On passe tout de suite au prochain. j'étais pas sûr que ça soit un portage, mais toi, un portage. Mais apparemment, toi, tu le confirmes. Donc, Mario et Luigi voyagent au centre de Bowser, plus épopée de Bowser Jr. Donc, le portage, c'est la première partie, et épopée de Bowser Jr., c'est ce qu'ils ajoutent, quoi. Voilà. Donc, le jeu va être donc disponible à nouveau sur 3DS, vu qu'il était sorti sur DS. Oui, j'étais pas sûr, ouais. Mais avec un jeu supplémentaire qui nous sera, enfin, jeu, enfin une un aventure DLC, supplémentaire quoi. Qui sera l'épopée de Bowser Jr. Voilà. C'est l'épopée des remakes et portages. Ça, on en reviendra plus tard. Non, mais de toute façon, maintenant on s'en doutait. Hein. On va pas s'attarder dessus parce que vraiment, c'est un jeu déjà vu, encore une fois. Ensuite, ils nous ont rappelé Détective Pikachu arrive bientôt. Oh bordel, le Détective Pikachu. On a eu des images, messieurs, dames. Franchement, j'étais là, Mais l'image, l'icône de Pikachu, on en a pris tellement. Oui, c'est. Oh bordel, excusez-moi, messieurs, mais rien que d'y commencer. Vous imaginez en fait le croisement entre un Pikachu dans quelque chose d'assez mignon, d'assez joli, de coloré, de spontané, et vous avez le vieux détective style Kogoro Mori dans Détective Conan, quoi. Vous mixez les deux, c'est juste ça, quoi. C'est ça. Tellement. Ah oh. Et alors, forcément, un amiibo qui sortira avec. Oui. Un amiibo un peu plus grand que les autres, d'ailleurs. Oui. Représentant donc ce fameux Pikachu détective. Voilà, et donc tout ça, voilà. ça sort le 23 mars. Voilà. Encore une fois, c'est pas ouf, et je sais vraiment pas quoi en penser. Ça se trouve, ça va être génial, mais pour l'instant, c'est pas ce que je me dis, quoi. Mais ça se trouve, ça va être cool. Hein. J'avoue que là, sur le coup, l'idée me fait bien rire. De ce qu'on a vu, franchement, c'est le Pikachu. Surtout qu'il a une grosse voix, je dis pas de conneries, il a une grosse voix. Il a une grosse voix qui tranche totalement avec salut, je suis Pikachu. Quoi. Je suis Pikachu. C'est comme si là je vous annonçais qu'en fait je suis pas un être humain, je suis un Pikachu, quoi. Voilà, je vous annonce. Voilà, je suis un Pikachu. Voilà, et imaginez un Pikachu avec ma voix maintenant. Non, mais c'est comme d'imaginer, je sais pas, Onkan avec la voix de Polka, ou Pichoun avec la voix de Polka. Ou... Ouais, mais c'est un gros mindfuck. Ou Rondoudou avec ma voix. C'est ça. C'est Rondoudou qui va se mettre à chanter du jazz là. Jeu suivant. Alors. Et le dernier pour 3DS. Oui, alors. Remake, ça me paraît être un grand mot quand même, même si c'est le cas. Hein. Luigi's Mansion, moi j'appellerais ça un demake, hein, étant donné qu'il est moins beau que sur GameCube. Mais bon, voilà, Luigi's Mansion, le premier, sachant que le 2 était déjà... le 2 avait été fait exclusivement sur 3DS, donc tout ce qu'ils ont fait, c'est utiliser le moteur du 2 pour faire le 1, en fait. Ils se sont dit pourquoi pas, pour ceux qui voudraient. Il y a des chances que je me le prenne un jour, j'avoue. Mais après... Bah, ils ont plus ou moins. Enfin, c'est trop bizarre parce que pendant qu'ils l'annonçaient, ils disaient. Comment ils ont dit ça ? Dans Luigi's Mansion 2, il y aura le château du premier Luigi's Mansion. Voilà comment ils l'ont dit. Donc j'ai pas bien compris du coup. Alors, ce qu'il faut, ce qui est assez intéressant à savoir, c'est que beaucoup de fans attendaient ce remake de Luigi's Oui, Mansion mais sur Switch. sur Switch Mais oui. et ils se retrouvent avec le jeu sur 3DS. C'est un des mecs. Et c'est voilà. Et alors, le première petite remarque du coup que je peux faire, c'est le fait que voilà, on en a terminé avec la 3DS. Ah oui. Franchement, c'est le truc. J'étais waouh, la 3DS sur les 30 minutes Oui. du Nintendo Direct, ça a fait 5 minutes. Ah oui, même pas. Oui, non, si, 5 minutes, ouais. C'est le premier message subliminal qu'a pu lancer Nintendo, je crois que c'est ça. C'est la 3DS, ça commence à. Ah non, mais c'est terminé. C'est, Moi. c'est, c'est, je pense que ça va durer encore un petit peu, mais ça Bah, va c'est la dernière vraiment année. pour dire, vraiment pour dire, voilà, c'est après, les gars, vous pouvez lui dire au revoir, hein. Allez, moi, Préparez-vous. j'annonce, je pense, on verra si j'ai raison ou pas, j'annonce, il y aura un Pokémon sur 3DS avec la version sur Switch, sauf que ça sera genre Soleil et Lune 3, un truc comme ça, sur 3DS, pendant que sur Switch, il y aura le vrai, vrai, vrai nouveau Pokémon. Voilà, j'annonce, je pense ça, pour faire un bon point final à la 3DS, en fait. Voilà, je suis presque sûr que ce sera ça. Mais c'est mon avis. Et ça sera à l'E3, donc, du coup. Oui, c'est ça. Il y aura certainement plus d'informations à l'E3. Et ça aussi, on en reviendra plus tard. Enfin, moi, Oh j'en oui. reviendrai plus tard. Oh oui, on reviendra là-dessus. Mais c'est que là, vu qu'on était sur la fin de notre DS, j'ai annoncé ça. Enfin, j'ai annoncé ça, j'ai déduit ça. On arrive donc à la Switch, et donc tout le reste, après, jusqu'à la fin, c'est sur Switch et sur Nintendo 64. Non, j'ai quand même. Ça va pas, moi. Kirby Star Allies, qui est tout simplement un Kirby tout à fait classique, mais à jouer avec des potes. Voilà, c'est ça. C'est un Kirby assez drôle en fait dans le concept, parce que dans l'idée c'est Kirby qui rêve de travailler en fait avec ses ennemis, et donc Ouais. du coup on va avoir une alliance Kirby Meta Knight et Kirby le roi des Didous, ce qui peut être assez drôle aussi comme ça Roi des à bidous. imaginer. Et franchement, le jeu, bah, c'est un Kirby, donc ça sera déjà un jeu qu'on pourra considérer comme une difficulté simple. Ah oui, mais c'est ça qui me fait un Et peu c'est. peur du coup, parce que c'est en multi. Alors si tu le finis en 1 h 30, ça risque d'être un peu dommage, quoi. Voilà, c'est. Donc j'ai hâte d'en savoir déjà un peu plus. Mais j'avoue que personnellement, je suis toujours un peu sur la réserve en ce qui concerne les Kirby. Alors que j'adore les Kirby, moi. Mais Kirby est un personnage assez, franchement, assez drôle Mais le gameplay est de cool en base. plus en général. Le gameplay, il a un univers assez bien à lui et un gameplay très particulier qui, franchement, est très agréable. Ouais, mais le problème c'est Et qu'ils se finissent tous très vite. C'est voilà. genre 3 heures de durée de vie pour la plupart des Kirby, quoi. En gros, hein. En solo. Donc c'est pour ça que je dis en multi, si c'est 1 h 30, j'espère qu'ils le vendront pas 50 balles, quoi. Hein, parce Après, je que. te rappelle que la seule fois où on a joué plusieurs sur un jeu Nintendo qui se jouait à solo, en général, la durée de vie se multipliait par deux ou par trois. Donc, Oui, hein, parce que les gens qui se tapaient dessus sur oui, c'est vrai. New Super Mario Bros. Alors de s'entraider. Oui, bah déjà, New Super Mario Bros. C'est clairement pas fait pour être en multi, c'était clairement juste pour être fun qu'ils ont fait ça. Hein, parce que Ça. il y a clairement pas de réelle utilité de plusieurs, on fait que se gêner dans un Mario Bros. Mais dans un Kirby, je pense qu'il y a moyen d'y jouer sérieusement, et du coup, je pense que ça serait trop facile. Parce que genre, il n'y a plus d'ennemis à l'écran. Bon, je pense qu'il y aura moyen de se faire s'emmerder les uns les autres aussi, hein, mais voilà. Bon, de toute façon, dans tous les cas, ça sera un Kirby, ça sera sympa. Faudra juste voir la durée de vie, quoi. Et là, ils annoncent 20 heures de durée de vie. Tu dis, What? Un Kirby de 20 heures? Mais franchement, ça serait pas mal. Ça serait bien, oui. Mais ça serait étonnant. Oui. J'ai des doutes. J'ai de sérieux doutes. Hein. J'annonce. J'ai oublié de faire l'annonce sur Twitter et sur Facebook du. Non, si, je l'ai fait, mais pas vraiment, en fait. Bon, tant pis. On va passer au jeu suivant, le remake d'Okami. Oh, c'est vrai, Okami, on l'a pas eu beaucoup ces dernières années. Oh là là! J'avoue qu'à ce PS2. niveau-là. Je crois PSP, mais je suis pas sûr. Oui. PS4. Oui. PS2, PS3, PS4. Oui. Switch maintenant. Il y a une version portable, une autre version portable, je crois. Donc je sais plus. Après, peut-être Vita, mais je suis pas sûr à 100%. Et je crois qu'il y a une version DS, mais je suis pas certain. Non, ça j'ai des doutes. Comme ça me dit rien, donc Mais je suis pas voilà. sûr. Je suis pas sûr non plus. Je suis pas sûr. Si. Il y a eu Okami Den sur DS, donc pas sûr que ce soit le même jeu, mais voilà. Dans tous les cas, il y a eu un Okami. Bon, si c'est pas un remake sur DS, on va pas le compter. Mais ça n'empêche qu'Okami, on l'a eu à toutes les sauces. Hein. Là, pour le coup, voilà. Certes, c'est un bon jeu, mais voilà. Hein. J'ai quelques relents. C'est un jeu sur lequel j'étais très triste parce que c'était un bon jeu, mais au départ, il a eu pas énormément de chance. Oui. Enfin, il a pas trouvé son public en fait. Ouais. Après, oui, mais maintenant, je crois que oui, il serait peut-être temps de le laisser un peu. Il a trouvé son public, ça ne sert à rien de le ressortir à toutes les sauces. Bah oui, surtout que là, j'ai du mal à imaginer que ça va fonctionner tout autant. Enfin, si, parce que les joueurs Switch, ils ont, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont pas tant de choix de jeu. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils achètent ce qui sort, et ce qui sort, ça va être Okami HD, quoi. Donc bon, à la limite. Et puis Okami dans ton lit, Okami dans tes chiottes, voilà. Okami dans le bus. C'est ça. Bon, après ça reste sympa, hein, mais bon, voilà. Ensuite, Sushi Strike. Alors ça, je me suis demandé ce que ça branlait là juste après Okami. Sushi Striker, The Way of Sushido. Le truc, c'est Candy Crush, mais avec des sushis et avec des tapis roulants. Oui, c'est ça, c'est l'idée, c'est de... Il faudra faire des combinaisons de sushis, et du coup, combattre, en fait, et c'est marrant, parce que c'est vraiment, ils ont raconté un peu l'histoire du background, t'es là, tu mais what the fuck, quoi. Donc, on vit dans un monde où, en fait, les sushis sont interdits, et donc le héros va se battre pour faire retirer cette interdiction, et voilà quoi. C'est franchement, c'est juste waouh, la manière dont ils ont présenté ça, j'ai trouvé ça très fun. Alors après, à voir. Bah s'ils font à 50 balles. Oui, voilà. Mais merci, Dans l'idée, comme ça. À 10 euros, pourquoi pas. Ça promet d'être un bon petit jeu, oui. Ah, un bon jeu mobile à 3 euros. C'est pas méchant, mais... ça, c'est le genre de truc qui a rien à foutre sur Nintendo Direct, tu vois. C'est... Bah, ça dépend, hein, parce que peut-être, au final, on n'a pas eu énormément d'informations, il y a beaucoup de jeux, beaucoup plus derrière. Ah, j'espère, dans ce cas-là. Mais, voilà. C'est pas ouf, hein. Ouais... Alors, ensuite, du coup, oui, d'ailleurs, t'as Okami, ensuite t'as ce qu'on va dire là, et avant t'avais quand même Sushi, enfin, entre les deux, t'as Sushi Striker, tu te dis, mais what the fuck. Donc, juste après, ils ont parlé de Octopath Traveler, donc il y a eu un peu plus d'infos qui étaient tout simplement pas plus d'infos, hein. Si, il y a une date de sortie, mais ils ont montré les personnages, mais Oui, mais voilà, c'est deux personnages supplémentaires, plus la possibilité, en fait, on apprend qu'on pourra combiner donc des compétences, donc ça promet d'être déjà un peu plus intéressant. Ouais, mais déjà dans les FF, on pouvait plus ou moins le faire dans certains, donc bon. Donc voilà, c'est... Oui, c'est sûr, mais bon. C'est tout simplement un FF à l'ancienne avec quelques subtilités en plus. Je pense qu'ils essaient juste de renouveler le succès qu'a eu Bravely Default, qui n'a pas été le cas avec sa suite, Bravely Second. Et qui, du coup, ils sont revenus encore plus dans le passé en gardant les graphismes à l'ancienne, avec un effet sympa quand même, hein. Il y a des effets de lumière, des shaders qui sont vachement cool. Hein. Oui, c'est ça. Graphiquement, il a l'air très beau. Ah oui, non, mais franchement, oui, ça a l'air vraiment fun. Enfin, vraiment fun, vraiment cool. Et en vrai, moi, je voudrais bien y jouer. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'a fait avoir de la hype à part les graphismes, quoi. C'est sûr. Donc, je dis pas qu'il est mauvais, hein, mais le problème, c'est qu'au niveau communication, c'est pas trop ça. Donc, j'ai peur qu'ils se vendent, mais qu'aux gens qui sont fanats des RPG, alors que ça se trouve, ça pourrait plaire à tout le monde, j'en sais rien. Donc, voilà. Bref, c'est un jeu qui a l'air cool quand même, et il sort le 13 juillet. Et ça, c'est vrai que c'est bientôt. Oui, il y a un souci, Fabien. Oui, mais non, mais de toute façon, j'ai envie de dire, il y a des jeux qui vont sortir un peu plus rapidement quand même. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, si vous voulez le savoir, le Kirby sort le 16 mars, on ne l'a pas dit. Okami, c'est cet été, hein, ils n'ont pas dit quand. Et Sushi Striker, le 8 juin. Oubliez pas le 8 juin. Voilà. Ensuite, on part sur du Travis Strike Again, No More Heroes. No More Heroes. Mais en moins bien. Donc ils ont annoncé genre de jeu, cette boss à affronter, voilà. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ça se trouve c'est génial, mais ils ont pas su comment le communiquer. Ce qui m'étonnerait pas. En vrai. Parce que là, pour le coup, No More Heroes, c'est le jeu qui est arrivé, je crois, sur Wii. Et que Nintendo était pas du genre à le mettre en avant à la base, parce que c'est ce type de jeu que Nintendo, qui est un peu plus enfant, entre très gros guillemets, hein, qui est un peu contre violence et tout ça, alors que No More Heroes, c'était quand même quelque chose. Et du coup, c'est pas le genre de jeu que Nintendo a l'habitude de mettre en avant, donc à tous les coups, ce qui a été mis en avant, c'est le côté Nintendo du truc et pas le côté génial du jeu en soi. Voilà. Même s'ils avaient montré Doom, hein, la dernière fois, quand même. Mais bon. Donc je pense que ça se trouve, il va être cool, mais je sais pas toi, mais moi, ça m'a pas fait plus envie que ça, quoi. Ouais. Non mais voilà, c'est à voir, et comme ça graphiquement, plus légèrement, j'attends d'avoir plus d'informations à ce niveau-là. Après graphiquement oui, là c'est sûr, mais il y a un petit côté un peu trop japonais arcade qui m'a déplu, mais encore une fois je me demande si c'est pas juste la communication Nintendo qui était foireuse sur ce jeu. Ensuite, sauf si t'as autre chose à ajouter, Feno, parce Non, que j'ai j'enchaîne moi. absolument. Ouais, je t'en prie. Mais enchaîne donc, enchaîne. Ok, t'as le cadenas, Feno. Bref. Ensuite, ils auront annoncé, enfin non, ils ont pas annoncé, ils ont montré, ils ont donné des infos parce qu'ils ont rien montré du tout en fait. Dark Souls, le remaster qui arrive sur Switch, donc on le savait bien entendu. Ils vont annoncer un amiibo et comme quoi il y avait le mode online qui était sur PC qui sera là pour la première fois sur console, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Alors, le Dark Souls, enfin franchement, alors C'est je le 1 en suis, plus, quoi. oui voilà, mais alors qu'il arrive sur Switch, je suis sûr et certain qu'à ce niveau-là, il posera pas de problème parce que la Switch est une console qui a beaucoup de ressources. Non mais le premier Dark Souls, c'est normal qu'il fonctionne sur Switch, y a pas de Voilà. problème. Même le 2 Après, aurait je pu. crois que c'est quand même le genre. Je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'en fait le but, c'est d'essayer. Pardon. C'est d'essayer de faire rager les gens pour qu'ils balancent leur Switch. Oui, Ça y est, on rachète une autre. c'est ce que j'allais te dire. Parce que Parce que déjà que les honnêtement. Switch ont des problèmes comme quoi elles se plient un peu, mais alors là, les mecs en magasin, vous savez, ils vont avoir droit à la Switch qui est complètement pétée en deux en fait, hein. Non, mais c'est le truc. J'étais là, je me fais. Que Dark. Non, non, pas du tout. Mais que Dark Souls ait sa Voilà. place sur Switch, oui, mais que ça soit Dark Souls le premier. Au moins le 2, Ben, quoi. je... Ah, si ça tombe, s'il arrivera, hein, mais voilà. Ils se sont dit, on va commencer par le premier. Le temps qu'il le termine, on a le temps de faire le 2. Non, mais On a le temps de porter le 2. je pense qu'ils ont juste pas envie de se prendre la tête et ils portent ce qui est le plus facile à porter, donc ils portent le 2. Oui, peut-être que allez, d'ici 3 ans, il y aura le 2 qui arrivera sur Switch. C'est gentil, d'ici 5 ans. Non, non, voilà. Je pense qu'à ce niveau-là, faut attendre un peu parce qu'il faut. On en parlera plus tard. Ouais. Autant terminer, hein, surtout que on n'est pas à ça près. Hein, Oui, complètement. on arrivera bientôt à Portage Ah, Land. mais là, vous allez me voir râler quasiment sur tous les prochains jeux. Hein. Pas le prochain, mais celui d'après, oui, et quasiment tous après aussi. Et même les 2 derniers, voilà. Enfin, Même les deux non, pas le derniers. tout dernier, mais l'avant-dernier, oui, et ça, je pense que c'est plus choquant que ça m'énerve. J'avoue, je suis sidéré d'apprendre ça. Ouais, Je non, mais ne pensais pas ça possible. tu vas voir. Donc là, on va parler de Mario Tennis Aces, qui a l'air cool, mais c'est un. Voilà. Mario Alors, Tennis, je crois qu'il n'y en avait eu qu'un seul ou deux avant. Il y en avait je un crois qu'il y sur. en a Il y en avait un un sur. sur GameCube. Ouais, et un sur Game Boy. Possible. Je Et crois. franchement, ça fait. C'est. J'ai. Oui, il y a bien eu au moins 15 minutes dessus. Et franchement, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça va devenir un jeu très tactique. Final. Oh, très très tactique. Si tu Ah, c'est bien. dis Plus que tactique que les premiers. Hein. oui, non, mais ça oui. Mais la super frappe, moi au début je l'ai trouvé cheaté et ensuite ils se sont dit ah oh, mais il y a des gens qui vont trouver ça cheaté. Alors on va faire une super frappe mais défensive. Oui, Oui. d'accord. Non mais ok, mais j'appelle pas. Enfin, j'espère que c'est pas ça que t'as appelé technique, Feno. Non, quand même pas. Parce que ça, c'est quand même cheaté, parce que c'est en mode, t'as la super frappe, tu la gardes. En gros, tout ce que les gens vont faire, c'est ils vont la garder tout le temps, en fait. Au cas où l'autre en face, il va l'utiliser. Je veux dire... Oui, non, je pense que c'est, à ce niveau-là, il y a, peut-être beaucoup plus de choses possibles et imaginables avec cette frappe, en fait. Oui, oui. Non, mais après, c'est... j'ai peur que ce soit la carapace bleue, quoi. La carapace bleue et le klaxon. C'est ça. Je ne pense pas. Faudra voir. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé que c'était cool. Ah, en effet. Il y a juste la super frappe, oui, dans ce cas-là. Qui... Puis de toute façon, il faut avouer que quand j'ai vu le chomp avec sa raquette de tennis, j'étais mort de rire. Non, mais oui, oui, complètement. Non, mais en vrai, ça a l'air cool. Et par contre, ils ont dit qu'il y aurait un côté tactique, mais on n'a pas vu beaucoup de choses sur le fait qu'il y ait un côté tactique. Ils ont qu'il y aurait un mode. Comment je l'ai écrit, je crois. Il y aura un mode réaliste. Oui. Et un mode. Enfin, ils ont dit qu'il y avait un système tactique. On n'a pas vraiment vu d'infos dessus, en fait. On sait juste qu'il y en a un, quoi. On sait pas trop ce qu'il y aura dessus. On sait déjà à ce niveau-là qu'il y a des trucs assez intéressants, notamment au niveau les coups, ça forcément ils sont là. Mais donc du coup tout ce qui est un peu plus tactique avec les super coups, la super frappe et la super défense, notamment. Après à ce niveau-là, je pense que c'est aussi un jeu qui va servir énormément d'exemple pour tout ce qui peut être fait sur une Switch. Étant donné qu'il sera aussi jouable à la manière de la Wii. Oui, avec, bon. C'est le mode réaliste, je crois d'ailleurs. C'est ça le fameux mode réaliste. Enfin, ce qu'ils appellent le mode réaliste. Il y aura aussi le mode simplifié, donc toutes les histoires de Super Craft. Donc voilà. Et un mode aventure. Et un mode. Oui, forcément, ça. Forcément, pas tant que ça. Oh, sur un jeu Nintendo. Ah non, mais pas sur les jeux de sport Nintendo. Hein. De là, ce qui est une histoire et tout ça, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Non. Non, vraiment. Il y a toujours eu... en gros, c'était quasiment que des tournois à la Mario Kart, les jeux de sport Nintendo avant. Hein. Oui, mais alors que là, ça a l'air d'être vraiment une histoire. Et ça, par contre... Enfin, une histoire, ça va pas être du Tom Clancy non plus, quoi. Mais, mais je pense que ça le mérite d'avoir un petit plus quand même. Ça, pour, tu vois, ça, là, ça peut me faire acheter le jeu. Parce que même si, en plus de ça, c'est un truc cool qui peut être joué entre potes, parce que je suis sûr qu'il y aura du 2 contre 2, hein, j'en suis certain. Oui, ils l'ont montré. Hein. Ah bon, je l'ai pas vu, moi, merde. Ah oui, il y a eu des sessions en duo. Bah voilà, donc... voilà. Il y a du 2 contre 2, ils ont dit que c'était jouable jusqu'à 4 joueurs, en local avec plusieurs Switch, ouais. Je crois, ou en ligne, forcément. Oui, heureusement. Il y aura quelques variantes mini-jeux, j'ai envie de dire. Oui, normal, quoi. Mais du coup, je pense que ça c'est le deuxième bon point du Nintendo Direct. Oui, c'est... Avec WarioWare pour moi. Voilà. Non, et donc du coup... qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. J'allais dire quelque chose. Fenon s'était perturbé par le chat parce qu'il voit les duos à 4, c'est plus rare. Non, c'est pas ça. J'étais en train de me dire merde. Pardon. Mince, j'étais en train de penser à un truc, je ne sais plus. Voilà, et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je propose qu'on passe à autre chose. D'accord, alors l'autre truc, c'est du foutage de gueule de la part de Nintendo, je trouve, encore plus que les autres, limite. Captain Toad, The Treasure Tracker, qui est tout simplement le Captain Toad de la Wii U. Et avec un niveau en plus. Avec un niveau en plus. Juste un? Mais oui, c'est le niveau de Mario Galaxy. De Mario Galaxy. Mario Odyssey. C'est le niveau Super Mario Odyssey, le niveau bonus, putain. en fait, c'est le jeu de base qu'il y avait eu avant, plus les DLC qui étaient disponibles pour ce jeu, en fait, qui sont inclus dedans, du coup, plus ce niveau, oui. Super Mario Odyssey. Voilà. Voilà. C'est du foutage de gueule. On en reparlera après. Ah bah de toute façon, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va d'abord terminer tout ce qui est portage de la Nintendo. Autant Mario Kart c'était une bonne idée, autant après faut pas déconner non plus. Hein. Ensuite, parce que t'avais pas marqué portage d'ailleurs sur celui-là. Oui, je l'oublie. C'est pas grave. C'est pas grave, finalement, je m'en suis rappelé. On va passer ensuite à Undertale, la blague du siècle, qui sera aussi sur Nintendo Switch, hein, étant donné que maintenant c'est partout Undertale, de toute manière. Dans la blague du siècle, dans le sens, voilà, comme d'habitude, je dis, c'est un bon jeu, mais il ne mérite pas la joie, enfin, tout les fanboys qu'il y a. Quoi, voilà. J'étais content, je lui dis, bah écoutez, au moins, bah, je sais que je peux me l'acheter, quoi. Voilà, non mais, voilà, faut pas non plus dire ce que j'ai pas dit. C'est sympa, mais c'est pour les Undertale sex, quoi. Bah, écoute, il y aura moyen de l'allumer et d'écouter la musique. Hein. Non, mais Undertale dans tes chiottes, Undertale dans ton lit, dans Undertale dans ta femme. Dans le bus, dans la femme. voilà. Ça va être drôle, la route du génocide. Hein. Voilà. Donc Undertale. Je le répète, hein, Undertale qui est un bon jeu, j'ai exagéré, mais que je considère n'étant pas. Ne mérite. Enfin, non, il n'y a pas une histoire de mérite non plus. C'est juste que je trouve que ça a fait tout un pataquès pour pas grand chose. Undertale est fun, que nous dit BullDM. Donc on va passer au portage suivant. Je pense qu'on peut continuer comme ça. Alors, le portage suivant qui est le Crash Bandicoot Insane Trilogy. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ils l'ont d'abord annoncé via Nintendo Direct et après ils ont annoncé que ça sortait aussi sur Xbox et PC. Voilà. Il me semble, donc du coup, le jeu arrive sur Switch. Par contre, les images qu'ils nous ont montrées, il y a des fois, je savais pas s'ils nous montraient la version PS1 ou si c'était la nouvelle version. Vraiment. Ah, il me semble que c'était tout le temps la nouvelle version. Donc, dans mes souvenirs, la version Switch aura quelques pépins techniques. Hein, je vous le dis tout de suite. Ça, je pense que le plaisir de jeu sera là quand même, hein, je tiens à le préciser, mais il sera clairement moins beau que la version PS4 et Xbox, clairement, parce que les images qu'ils ont montrées, il y avait certains moments, ça, je me disais, ah si, ça a l'air d'être le remake, puis d'autres moments, je me suis dit, putain, mais ils nous montrent la version PS1 ou quoi, là, c'était vraiment bizarre. Je sais pas si toi t'as eu cette impression-là, mais moi j'ai eu ce... Non, je n'ai pas eu cette impression, et peut-être parce que moi je ne le regardais pas 23h, mais j'étais... Non, non, mais il y a c'est-à-dire que normalement on voit bien ses poils à Crash quand on joue à la version remake, et là c'était pas clair. Donc c'est-à-dire que ça, quand j'ai dit PS1, oui, non, mais je m'en doutais. je suis pas d'accord avec BullDM, mais on en reparlera. En fait, je pense qu'il sera pas non plus comme la PS1, c'est juste que des moments, vraiment, les couleurs étaient flashy plus que le portage, le remake qu'il y avait sur PS4. Donc c'est pour ça que je me suis dit, merde, c'est la version PS1, donc c'est pas moche comme la version PS1, mais je pense qu'il sera moins précis dans les graphismes, quoi. Et au point que peut-être que les poils seront vraiment pas visibles de loin, quoi. Oui, mais bon, ça c'est... Le plaisir de jeu sera là, hein. Mais si un jour je devais l'acheter, je pense que ça sera sur Xbox, quoi. Mais de toute façon, j'ai pas envie de l'acheter, donc la question se pose même pas finalement. Alors, moi c'est Spirou que je veux. Le portage suivant, Little Nightmare, complète édition, qui est le jeu indé qui était sur PC. Je crois qu'il est aussi sorti sur PS4, mais est-ce qu'il est sorti sur Xbox? En tout cas, s'il l'était pas, il va le sortir en même temps que la Switch. Voilà. Voilà. Mais ce qui est, par contre, c'est là qui est fou, c'est qu'ils annoncent sur Switch et c'est après qu'ils annoncent que ça sort aussi sur Xbox, ce qui est flippant en fait. Enfin, flippant. Ce qui est étonnant plutôt. Tout à fait, oui, c'est. Un peu. Puis d'un côté, c'est logique, notamment pour le Crash que. Voilà, on savait qu'il allait arriver. Mmh. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils l'ont annoncé d'abord sur Switch, quoi. Je crois que c'est juste une question de timing. Oui, mais ils l'ont bien voulu. En gros, ils l'ont annoncé en même temps que le Nintendo Direct. C'est-à-dire que quand dans le Nintendo Direct, ils ont dit Crash Bandicoot Insane Trilogy, et ben direct en même temps sur Twitter, ils disaient ça arrivera sur Switch, Xbox et PC. Crois que c'était pour Nintendo qui a du coup a demandé à ce qu'on ne divulgue pas la formation. Je sais pas qui a décidé, mais dans tous les cas, même si c'est Nintendo qui a décidé, ça veut dire qu'Activision a accepté. Donc en soi, c'est quand même étonnant, tu vois. Donc ouais. C'est pour ça en fait. Bref, voilà, Little Nightmare, c'est le jeu indé, c'est cool que ça arrive là-dessus, parce que pour le coup, c'est un jeu qui a pas eu beaucoup de hype des gens, alors qu'il est sympathique. Oui, non, à ce niveau-là, je suis content qu'il s'ouvre un peu à plus de support. Ouais. Peut-être que les gens seront un peu plus enclins à essayer. parce que il en vaut la peine. Voilà. Il est pas extraordinaire non plus, hein. J'irai pas jusqu'à dire qu'il mérite la même hype qu'a eu Undertale, mais ça n'empêche qu'il mérite plus de hype qu'il a eu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Jeu suivant qui est aussi un portage. C'est étonnant qu'il soit pas sorti plus tôt, parce qu'en vrai, vu les graphismes, il y avait pas beaucoup de boulot à faire, en vrai. Hein. South Park, l'anal du destin. Pourquoi c'est pas arrivé avant? Parce que l'Ubisoft avait la flemme, très certainement. Surtout que l'annonce... Enfin, je sais pas qui t'a à attendre, autant qu'ils attendent que tous les DLC soient sortis pour les inclure dedans, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Là, ils ont juste dit, voilà, le jeu va sortir, et vous savez quoi? Les DLC seront disponibles en même temps. Faudra les payer, bien entendu, faut pas rêver. Voilà. Ils ont annoncé qu'il y aurait le DLC 1 et le DLC 2, et que le DLC 3 allait arriver. Voilà. Donc, achetez notre jeu, achetez nos DLC. Bref, pourquoi c'est pas sorti avant, sachant que les graphismes... Pour le coup, je suis persuadé que c'est aussi beau que sur PS4 et sur Xbox One. Là, j'ai aucun doute, les gens. Là, vraiment, là, je peux le dire. Non, mais après, l'anal du dessin est un très bon jeu aussi. Voilà, bon, c'est... là, je rigole, je troll, mais c'est du gentil troll. Hein. Surtout que c'est plus du troll envers Ubisoft, hein, pas envers Nintendo sur ce coup-là. On n'oublie pas de parler aussi, bah, vu qu'on parle du jeu suivant, c'est de Evil Warrior Complete Edition qui arrivera mois de mai. C'est ça, le 18. Voilà, on n'a pas plus d'informations, de toute façon, on sait déjà tout. Bah, c'est le même jeu. Voilà, mais tant qu'on est dans les portages, autant le dire. Et alors, l'autre information aussi, c'est que le. Arms sera. Il sera possible de l'essayer gratuitement pendant 3 jours. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ça veut dire qu'il a pas marché le jeu. C'était. Tu sais, ils étaient en mode. Voilà. Oh, mais si vous n'avez pas encore succombé, il y a 3 jours de championnat, je crois, ou un truc comme ça, vous pourrez y jouer gratos, quoi. En fait, c'est juste notre jeu, il n'y a plus personne, s'il vous plaît, venez. Voilà. Voilà. En même temps, le jeu est pas extraordinaire. Il est cool pendant 10 minutes, voilà, ou une demi-heure. Non, mais c'est cool quand même. Faut soutenir Nintendo quand même. Enfin, voilà, ce rêve de plaisanterie, c'est vrai. Je propose qu'on passe aux 3 grosses dernières annonces, du coup. Oui, 3, parce qu'il y en a 2 qui sont pour le même jeu, on est d'accord. Oui. Oui. Mais disons qu'il. Voilà. Oui, donc il y a eu la mise. Ah oui, je n'avais pas vu en fait qu'est-ce que c'était écrit là, j'étais un peu paumé. Oui, la mise à jour de Splatoon 2 qui sera donc la 3.0. Bah, beaucoup d'objets en plus, hein, comme ils faisaient sur le premier Splatoon finalement sur la Wii U. Ils en font un événement alors que sur la version Wii U c'était pareil, ils faisaient ça, sauf qu'ils faisaient ça tout le temps. Bah, ils en ont fait un événement parce qu'ils en ont aussi profité pour annoncer du coup le DLC. De dire que les Worlds se diront en Suisse et qu'il y aura du coup aussi un concert c'est vrai. Qui sera visionnable sur la chaîne. Visionnable sur la chaîne. Sur la chaîne de Nintendo France, et Nintendo Anglais, et Nintendo Allemagne, et Nintendo Espagne, et Nintendo Portugal, et Nintendo. Donc si vous aimez les deux petites nouvelles stars de Nintendo, il faut penser à aller les voir. Voilà. En vrai, je regarderai parce que j'aime bien Splatoon. Mais voilà, l'univers Splatoon, il est juste. Épique, je trouve. Oh non, je trouve qu'il est très bien construit à ce niveau-là, et le fait du coup d'avoir les Calamazones et maintenant les deux nouvelles représentations. J'ai oublié le nom du groupe, c'est magnifique. J'ai oublié aussi, mais c'est pas grave. J'allais dire c'est les Tentacools, mais non, les Tentacools, c'est pas. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais voilà, c'est assez sympathique. Et donc ensuite, ils ont aussi annoncé le DLC, et là je crie scandale, parce que oui, ils peuvent faire des DLC, après scandale, je crie pas scandale, mais c'est un DLC solo, donc on va pas rager non plus, mais... Bah, écoute, moi personnellement, j'en suis plutôt. Je suis plutôt intéressé par ce DLC, quoi. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, il exploite quelque chose. Il exploite quelque chose qui n'a pas encore été exploité, qui aurait, certes aurait pu être exploité dans un autre jeu. Splatoon 3, par exemple. Mais. C'est peut-être pas aussi quelque chose qui aurait. Dû forcément être mis en avant au même niveau qu'un Splatoon. Ouais, c'est plus donc, ça en fait. Voilà. C'est, donc c'est, je suis content que ça soit un DLC. Ouais, mais en fait, forcément c'est un DLC, donc ça te plaît pas. Non, mais c'est voilà, pas vraiment ça. C'est que en fait, je me demande ce que ça branle là, en fait. Enfin, c'est pas un événement qui est un DLC sur Splatoon. C'est plus, ça passe en loose day, quoi. Enfin, je veux dire, on s'en fout qu'il y ait un DLC solo pour Splatoon. Parce bah, que non, j'en Splatoon pas. Est peut-être le premier jeu où vraiment le multi est plus important que le solo, donc... Oui, mais certes, mais bon, c'est... Voilà, mais c'est... il y aura aussi, du coup, aussi des quelques informations, quelques trucs supplémentaires, vu qu'on ils pourront les... En plus, donc, d'avoir le solo, il y aura possibilité, donc... quelques possibilités de customisation supplémentaires, telles que incarner l'autre race. Why not, quoi, why not. Non, mais après, j'attends de voir plus d'infos, parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air ouf non plus. Hein. Mais personnellement, moi, la Miss numéro 8, là, franchement... Ah, oui, bien sûr, non, mais c'est juste que pour l'instant, on n'a pas appris grand-chose, à part que le gameplay de ce DLC-là n'a pas l'air ouf, parce que c'est le gameplay de base de Splatoon, logique, mais j'arrive pas à comprendre l'intérêt du DLC, vraiment... C'est-à-dire que vraiment, il m'a pas hypé du tout, alors que je suis un gros fan de Splatoon, donc... voilà, quoi, donc... ne pas confondre avec Splatoon, le jeu, le film, bien entendu. Comme fait boule DM avec ça. Bref, donc voilà, moi, il m'a pas hypé. Le personnage est cool, certes. C'est Splatoon, certes, mais pour l'instant, j'ai pas compris à quoi il sert, le DLC, voilà. Ah, ça étend l'univers. Ben oui, non, mais je veux bien qu'il étende l'univers, mais on n'a rien appris, à part que tu sautes de plateforme en plateforme à certains endroits. C'est bizarre, voilà. J'ai du mal à me dire que ça va être cool, en fait. Voilà. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est nul, mais j'ai du mal à me dire que ça va être cool. Je sais, je suis négatif, mais... Tu l'es plus que moi, là, c'est magnifique. Ouais, je sais, mais en même temps, je suis dégoûté de ce Nintendo Direct, en vrai. Bon, on en rediscutera du global. Là, ouais. on va parler de la dernière annonce qui a été bien. Enfin, moi je fais partie des gens qui s'en foutent un peu de Smash Bros, mais par contre, ça a bien été scénarisé. Ouais, ils l'ont bien fait. Et franchement, la hype est montée toute. Pour les fans, oui. Pour les fans, est monté, mais telle une flamme qui s'embrase. Oui, et juste magnifique. Mais tu sais que moi, je me dis, putain, ils nous disent qu'ils annoncent un nouveau truc et c'est encore Splatoon, ils se foutent de notre gueule, j'étais en train de me dire. Oui, mais c'est ça, en fait, parce qu'il faut savoir que du coup, bah, comme on l'a dit, on l'a fait dans l'ordre, donc du coup, on a parlé énormément de Splatoon, hein, juste avant. Ça, encore une fois, ça a bien duré 20 minutes. Un quart d'heure. Oui, maintenant, parce qu'il y avait déjà 10 minutes pour Mario Tennis, donc du coup, 10 minutes, 10 minutes, 5 minutes, il ne reste plus grand-chose hein, pour ouais, le reste. Hein. C'est vrai. Mais voilà, et du coup, en fait, c'était un combat entre deux persos de Splatoon, quoi, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont annoncer encore? Ils vont pas annoncer Splatoon 3, quoi. Mais non, ils allaient annoncer le deuxième DLC. Non, en fait, donc du coup, il y a le combat donc très très dynamique comme Splatoon a l'air de le faire. Ouais. Et là, tout d'un coup, les lumières qui s'éteignent, l'atmosphère s'assombrit, une lumière qui arrive de derrière la caméra. Et là, changement de champ, on voit l'œil. Ouais. On voit le logo de Super. Du, tu sais de que Super j'ai pas reconnu, hein. J'ai pas reconnu le logo parce que je me disais merde, c'est quoi ça? C'est pas Fire Emblem le logo. Moi j'ai dit à Flo, c'est pas Fire Emblem le logo là. Non mais c'est que comme je l'ai dit, hein, moi je suis partie des gens qui voient pas l'intérêt de Smash Bros. Mais ils l'ont super bien mis en avant. Voilà. Et je suis content pour les fans de Smash Bros. Mais franchement, c'était très bien présenté, c'était très bien pensé, encore une fois. Sachant que s'ils le font comme ça, c'est la preuve que c'est pas juste un portage de la version Wii U. Les mauvaises langues disent oh, ça va être le portage Wii U. Non, sinon on ne l'aurait pas annoncé comme ça. Clairement pas. Non. Il y avait les rumeurs qui disaient que ça serait le portage Wii U, mais ça ne le sera pas. Parce que sinon, ils n'auraient pas mis comme ça. Sinon, ils auraient mis le même nom que le Smash Bros. De Wii U. Avec, ils auraient tout de suite annoncé que c'était de la même manière qu'ils ont fait avec Mario Kart. Quand ils ont annoncé le Mario Kart, ils ont pas fait une grosse bande-annonce en mode c'est génial, il y a Mario Kart qui arrive et puis vous en saurez plus tard, tu vois. Mais surtout que quand tu regardes personnellement, moi quand j'ai vu Parce qu'on voit aussi apparaître tous les personnages emblématiques. Il me semble avoir reconnu le Link de Super Smash Bros. Breath of the Wild. Oui, j'en dis Breath of the Wild. Wild. Voilà. J'ai bugué sur tous les noms. J'étais en train de chercher le bon nom du Zelda. Je me fais. Bref, non, c'est. Donc voilà, il y a des gens qui spéculent sur un personnage d'Undertale dedans, sur il y aurait Crash Bandicoot dedans, des trucs comme non, ça. Non, il faut pas rêver les gens, il y aura S'ils y sont, tant mieux, s'ils y sont pas, tant pis, mais de toute manière, voilà. Ce qu'on sait, c'est que s'ils y sont pas, ils seront en DLC. Autant certains personnages sont arrivés, tels que Pac-Man et Megaman, pourquoi ? Parce que c'est Namco qui a fait le jeu, donc forcément, ils se sont permis. Sonic, pourquoi ? Parce que ça fait un moment qu'il côtoie Nintendo. Bayonetta, pourquoi ? Parce que c'est. Oui, mais il y a eu Snake à un moment. Hein, Snake, mais Metal Gear. Voilà. C'était des invités, mais c'est qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de jeux sur GameCube. Il y avait des jeux qui étaient sortis sur GameCube un peu avant. Hein. Oui, mais ouf. Justement, il était sorti sur GameCube pas longtemps avant. Là, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a Crash qui va arriver, il y a. Ah, c'est possible. Mais non, je ne pense pas, parce qu'il faudrait aussi que Crash, c'est un bon personnage en vrai. Oui, mais il faudrait que à ce niveau-là, Activision soit d'accord. Ça m'étonnerait même plus. Ouais, peut-être. Mais bon, voilà, c'est comme Bayonetta. Bayonetta, je dis oui, c'est normal. Pourquoi ? Parce que c'est un peu devenu. C'est Nix ou Nintendo. De toute façon, c'est Nintendo qui l'a sauvé des abîmes, donc à ce niveau-là. Complètement. Et donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce Nintendo Direct globalement ? On pourrait dire que Nintendo, ils font beaucoup de portages. Alors certes, c'est chiant, mais en même temps, c'est parce qu'ils veulent pas faire l'erreur de la Wii U en mode il y a pas de jeu, donc faut qu'il y ait des jeux. Donc de 1, quand c'est des portages Nintendo, c'est ça. Et de 2, quand c'est des portages d'autres, c'est juste qu'ils ont vu que ça s'est bien vendu, alors ils se sont dit bon, faut quand même qu'on sorte nos jeux dessus, quoi. Voilà. Toi, t'avais autre chose à ajouter là-dessus, peut-être ? À ce niveau-là, donc, je le disais, il y a plusieurs messages qui ont été pour moi cachés un peu plus à ce niveau-là. Donc, je disais, premièrement, la Nintendo 3DS qui commence tout doucement à faire sa sortie. Hein, on s'en doutait. On s'en doutait. Voilà, comme je l'ai dit, il y a eu très peu de jeux. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ouais, la 3DS n'est pas morte !» Si, les gens, la 3DS, ça commence à partir, là, parce que regardez tout ce qui a été dit sur la Switch, regardez le temps qu'on a consacré à la 3DS. Voilà, il n'y a pas photo, quoi. À ce niveau-là... Oui, et puis comme je disais au début, je pense qu'il n'y aura plus que un ou voire deux gros jeux sur 3DS. Voilà, et c'est tout, quoi. Je pense que Nintendo veut juste que sa console sorte correctement, avec les honneurs. C'est pour ça, moi j'annonce un Pokémon et peut-être un remake de Zelda. Un peu comme ils ont fait pour la Wii U au final, hein, vu que c'était le Breath of the Wild qui a vraiment marqué la fin à ce niveau-là, même s'il a aussi commencé à marquer le début de la Switch. Oui, alors il y a Boudem qui dit la 3D tout courte est morte, ça prend pas. Oui, non, mais sauf que la 3DS, ça fait longtemps que Nintendo a laissé tomber la 3D. Hein. Il y a eu la 2DS qui est sortie il y a 3 ans et la nouvelle 2DS qui est sortie l'année dernière. Ils misaient plus sur la 3D depuis très longtemps. Mais la 3DS est super cool comme console en vrai. Moi, super jeux dessus. De toute façon, il restait quand même pas mal de choses intéressantes, notamment la gyroscopie. Oui, intéressant. Disons que pour certains trucs, ça reste encore assez utile, quoi. Je suis d'accord, mais sauf que en fait l'intérêt de la 3DS c'était d'avoir une console portable parce que c'était la seule console portable qui ait vraiment des jeux, beaucoup de jeux aujourd'hui. C'était ça le principal intérêt. Je suis d'accord avec toi qu'il y a la gyroscopie, il y a des petits trucs cool, il y a le côté qui est tactile qui est sympa et tout ça. Mais en vrai maintenant, je pense que Nintendo a compris que sa nouvelle console portable, bien quoi qu'ils en disaient au début, au lancement, la nouvelle console qui est la Switch est tout autant une console portable qu'une console de salon, voire plus une console portable qu'une console de salon. Donc Oui, mais je pense qu'elle est destinée quand même à faire les deux, à s'adapter en fait aux besoins de son utilisateur. Ouais, sauf que je pense que surtout ça. Il est prouvé quand même que ça fonctionne beaucoup mieux en portable qu'en télévision. La plupart des gens le disent, donc voilà. C'est ça qui est un peu triste, en fait. Elle est pas assez puissante en tant que console de salon, mais elle est très puissante en tant que console portable, en fait. C'est le principal problème. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec BullDM. C'est-à-dire que je suis quand même d'accord avec toi, Feno. Hein. Attention. Hein. Oui, elle s'adapte quand même à l'utilisateur. Hein. Je... voilà, je suis complètement d'accord. Tu t'amuses quand même en version salon et tout ça. C'est juste qu'elle en voit pas autant quand t'es en mode salon qu'en mode portable. Oui, bah, c'est sûr. T'as moins l'effet waouh en mode salon. Tu l'as plus en mode portable. Sur Breath of the Wild, par exemple. Ouais. Donc la deuxième chose que je voulais dire, c'est que de même s'ils ont fait une sortie correcte à la Wii U, tu sens que Nintendo veut l'enterrer le plus vite possible. Ah oui, mais ça depuis le début. Hein. Ça, bah, depuis le début, mais là c'est vraiment confirmé quand on pense à tous les jeux qui sont sortis sur Wii U et qui ne prennent même qui vont rechercher du catalogue pour leur sortir. Voilà, c'est évident. Bah, c'est parce qu'ils n'en ont pas vendu sur Wii U, tout simplement. Hein. Mais du coup, c'est bien, parce qu'enfin, il y a beaucoup de gens qui, à ce niveau-là, qui râlent, je suis tout à fait d'accord. Parce que voilà, oh, un jeu Wii U, oui, mais moi, je l'ai eu, et tout ça. Oui, mais il faut penser que vous l'avez acheté. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru en la Wii U à ce moment-là. Et qui, du coup, sont passés à côté de très bons jeux. Ouais, mais ils n'ont pas fait beaucoup de ça. Hein. Ils l'ont fait pour Mario Kart. Et oui, mais ils le font pour Hyrule Warrior, et j'ai pas râlé dessus. Oui, Hyrule Warrior, mais il y a Bayonetta 1 et 2, il y a... Ouais, mais Bayonetta 1 et 2, ça me choque pas non plus, étant donné qu'il y a le 3 qui est plus ou moins annoncé, donc... Oui, mais bon, ils auraient très bien pu ne pas le ressortir, étant donné qu'il est sorti justement. Ouais, mais c'est mal vendu parce que la Wii U avait pas fait assez de ventes. Donc... Voilà. Je fais pas partie des rageux là-dessus, tu vois. Il y a ça, donc... Captain Toad... Oui, Captain Toad, par contre, ça aurait été un très bon jeu, je veux bien, mais... il est sympa, quoi, mais de là à le ressortir sur Switch. quoi, je pensais encore à un autre jeu, mais je ne sais plus. Mais voilà, donc il y a énormément de. Il y a eu quand même pas mal de jeux qui sont. Et je pense qu'il va encore pas mal de jeux du catalogue de la Wii U qui vont revenir. Je suis pas sûr, moi. Hein. Parce qu'ils n'en ont pas. Ah, si, elle, donc quiconque, je crois, qu'avait été annoncé. Voilà. C'est vrai, j'avais oublié. Voilà. J'avais oublié. Le Donkey Kong et oui, donc il ne manquait plus quand le Super Smash Bros. Mais du coup ici, ça va pas être le portage. Oui, c'est un nouveau. Un portage. Et quand bien même c'est un portage, ça sera un portage avec quelques améliorations. Ça en sera pas. Et quand bien non, mais je disais que même si c'est un portage, il y aura quelques améliorations derrière. Oui, comme Super Mario Kart. Des Eclinks. Oui, comme ils ont fait avec Mario Kart 8. Qui est qui serait le genre de jeu que je pourrais prendre sur Switch si je m'achetais la Switch demain, quoi. Mais je pense que le jour où je m'achèterai la Switch, il y aura déjà le prochain Mario Kart qui sera sorti en vrai. à voir s'ils vont en sortir un. Bah j'espère, parce qu'en vrai ça serait triste sinon. Oui, c'est sûr que ça serait triste, mais parce que si le seul Mario Kart de la console, c'est un portage de la version Wii U, ça serait vraiment triste quand même. Oui, il y a aussi, je pense, des Mario Party à ce niveau-là aussi. Peut-être pas des portages qui vont, mais des Mario Party qui vont arriver. Il y a eu qu'un seul Mario Party sur Wii U, je crois. Oui. Je sais pas. Il me semble, oui, le 10. Ouais. Bah, je suis pas sûr qu'il fasse un portage non plus. Ah, on l'entend le clic du stylo. Bah, oui. J'ai pas fait exprès, fallait me le dire avant. Mais merci. Je viens de le remarquer en fait. Du coup, ça, il y a et donc certainement un Mario Party qui va arriver. Forcément, peut-être encore d'autres jeux style à licence Mario tels que les Mario and Sonic. Les quoi, les Mario? Aux Jeux Olympiques. Ah oui, bah ouais. J'ai l'impression qu'ils ont un peu laissé tomber ça et c'est dommage d'ailleurs. Oui, parce que j'avoue que je m'attendais à en entendre parler d'un assez sans mensonge. Ouais, parce qu'il y a rien. Ouais. Voilà. Ça, c'est un peu triste. Peut-être, on verra. Peut-être qu'ils ont en fait, ils ont surexploité le truc, donc du coup, il n'y a plus d'idée derrière. Alors que c'est vachement cool, hein. En vrai, ils nous ressortent un nouveau où il y a toutes les épreuves qu'il y avait dans les anciens. Déjà, ça marcherait déjà, hein, en vrai. Donc, certes. C'est juste ça qu'il devrait faire. Voilà, donc il y a aussi, du coup, il y a des licences qui ont été carrément déterrées. Hein, il faut le rappeler qu'il y a le Metroid Prime 4 qui a été annoncé. Oui, mais ça n'a pas été annoncé dans ce Nintendo Direct là. il n'a pas été, mais oui, mais il a été annoncé. Oui. On sait aussi que du coup, il y aura. Mais en d'ailleurs, fait, c'est étonnant qu'ils en aient pas parlé du tout là. Je pense que du coup, ça va être les nombreuses heures de l'E3 qu'on genre il y a l'annonce, les trucs de Nintendo, puis ensuite pendant 3 heures de suite, un peu comme ils avaient fait avec Zelda Breath of the Wild, ça va être du Metroid Prime quoi. C'est ça aussi, c'est qu'il faut oublier que d'ici 3 mois à peine, il y a l'E3. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'informations qui, je pense, enfin beaucoup peut-être pas, mais il y a des informations qui ont certainement été gardées telles que le Metroid Prime pour être annoncé justement à l'E3. Bah moi pas. Déjà, n'empêche, à ce Nintendo Direct, il y avait des trucs qui avaient été dit, des gens qui avaient dit que c'était sûr qu'il y a certains trucs qui allaient être annoncés, qui n'ont pas été annoncés. Hein. Genre, normalement, il y aurait dû. Enfin, normalement. Il y avait une très grosse rumeur, quasi, qui était sûre et certaine pour beaucoup de gens, comme quoi il y allait avoir un remake de Link Awakening. Il y avait une grosse rumeur sur le fait que le Pokémon allait être annoncé aussi, et une grosse rumeur qui annonçait aussi que mais le Pokémon je pense que ça sera le 3 hein. Et une grosse rumeur qui annonçait aussi qu'il y aurait une Switch blanche qui arriverait, mais il n'y a rien de tout ça. Mais ça tu vois, ça je pense que ça serait plutôt aussi à l'E3. Oui, mais blanche, en mode ça sera la collector de tel jeu ou un truc comme ça. Voilà, peut-être. Peut-être de Fire Emblem. Ils l'annonceront peut-être à l'E3, le Fire Emblem Switch, et du coup, ça collerait bien une Switch blanche avec. Je pense qu'il y a énormément d'informations qui ont été retenues, ce qui fait que ce Nintendo Direct a été peut-être un peu plus fade pour certains. Ouais. Ce que je retiens aussi, c'est que du coup, il y a beaucoup de portages. Donc, j'en ai expliqué pourquoi les portages Nintendo, mais les portages de jeux sur d'autres éditeurs sont énormément plaisir parce que du coup, les éditeurs commencent à s'intéresser à cette console. Ouais, c'est cool. Faut pas l'oublier. Donc, ça, c'est très bon. C'est cool, mais et autre chose, j'allais dire mais en fait, c'est pas un mais, c'est cool et dans le sens, dans la même direction que c'est cool, c'est que c'est pas des vieux jeux à part. Okami, et on voilà. Va pas parler des jeux 3DS. C'est quand même Crash Bandicoot Insane Trilogy qui va sortir en même temps sur PC et sur Xbox. South Park est sorti juste il y a quelques mois, donc Il y a juste Undertale qui est sorti il y a 3 ans, quoi. Oui, mais c'est un jeu indé, alors c'est pardonnable, tu vois. Voilà. C'est pas. Il y a des bonnes petites pépites telles que Little Nightmare qui sort. Ouais. Donc il y a des trucs très intéressants. Bon, Dark Souls aussi, c'est vieux, mais bon. Dark Souls. Mais c'est le remake de Dark Souls qui va aussi sortir s'il n'est pas déjà sorti sur Xbox et sur PS4, ça passe encore. Donc il y a des sorties en fait qui sortent à peu près en même temps, donc ça c'est très intéressant. Il y a aussi beaucoup de jeux auxquels Nintendo démontre les capacités de la Switch et ce que les gens peuvent faire, enfin ce que les éditeurs peuvent faire avec. Donc, ah, je t'ai perdu Feno. J'ai perdu Feno. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Je voulais dire que donc il y a pas mal de remakes. Il y a Crash Bandicoot, c'est plutôt cool quand même que ça arrive sur Switch. Ça fait plaisir parce que c'est un jeu, c'est récent, bon même s'il sera moins beau, voilà. Comme je disais tout à l'heure, je suis pas tout à fait d'accord avec Bull DM parce que la console elle en a quand même dans le bide pour une console portable. Parce que le truc c'est que ceux qui ragent en disant qu'elle est pas puissante, c'est ceux qui pensent que c'est une console de salon. Alors que en vrai, c'est depuis le début, c'est qu'une console portable, et Nintendo s'est dit, faut quand même qu'on ait une console de salon, alors ils ont mis un dock, et puis voilà. Je sais que Feno sera pas complètement d'accord avec moi, mais... grâce à ça... Attends, 2 secondes, Feno, je finis ma phrase. Je sais pas si t'as entendu ce que j'ai dit, en plus. Oui. Et le truc, c'est que ça n'empêche que c'est une console qu'on a dans le bide, et que... c'est plus puissant qu'une PS Vita, Bull DM, la Switch. Donc de base, si, c'est une console portable qu'il y en a dans le bide. Et sur console, et en version de console de salon, bah ça rame par moment, c'est une résolution bâtarde, c'est pas ouf, mais ça fait le café quand même. Voilà, c'est faisable quand même pour quelqu'un qui aurait vraiment envie de jouer dans son canapé et tout ça. Bah, disons qu'elle suit quoi. Difficilement, voilà. Mais elle suit. Voilà, c'est difficile, mais ça marche quand même quoi. Quand à côté ils font tout pour avoir la. La course au meilleur graphisme. Je rigole parce que je trouve qu'Arco est complètement à côté de la plaque, il doit pas suivre l'actualité à ce niveau-là, je pense. Vas-y. Je disais lui du coup c'est elle suit un peu plus difficilement, mais je crois encore une fois à ce niveau-là, tu as peut-être raison, c'est qu'elle n'est pas. Enfin, Si, il y a quand même l'idée du salon, mais je pense qu'il aurait peut-être fallu peut-être pousser un petit peu plus aussi par là, mais peut-être pas les moyens non plus. Mais Faire en voilà, mais sorte même que ce soit Boulden est marrant. d'accord, sauf qu'Arco est complètement à côté de la plaque. Parce que la console s'est mieux vendue que la PS4 cette année. Oui? Pour l'instant. Donc je veux dire, ça fonctionne mieux que la PS4, mieux que la Xbox, les gens. Va falloir arriver à se le mettre en tête, ça. Vous êtes en mode, c'est pas aussi puissant qu'un PC, c'est pas aussi puissant qu'une PS4, c'est pas aussi puissant qu'une Xbox, mais ça a rien à voir. Pensez-le console portable. Parce que même s'il y a les rageux, les pro Nintendo qui vont te dire, non, mais c'est. Mais non, ça a rien à voir avec BlackBerry à l'époque. Rien à voir. Mais alors vraiment rien à voir. Parce que le truc c'est que. Wii U. Nintendo s'est planté avec la Wii U. La Wii U aurait pu être le BlackBerry de l'époque à la limite. Parce que. Enfin, Nintendo a été le BlackBerry de l'époque en mode on a sorti la Wii, ça marchait trop bien, on va sortir quasiment la même chose avec un poil plus de puissance et une tablette. Ça s'est foiré. Là, ils ont fait leur BlackBerry. Maintenant, ils ont sorti une console qui est une console portable, j'insiste, qui peut fonctionner sur la télé, même si leur pub est. Ils tendent à commencer à dire ça maintenant. Hein. Mais voilà. C'est une console portable qui est largement au-dessus de toutes les autres qui existent aujourd'hui. Et ils n'ont aucune concurrence en version en console portable. Sony a laissé tomber. Xbox, ils vont jamais se lancer dedans. Nvidia, je veux dire, les Shields, c'est rien à voir. C'est du jeu sur Android, donc voilà. Voilà, Nintendo n'a pas de concurrent direct. On les compare à la PS, parce que j'ai comparé à la PS4 parce que par rapport à ce que j'ai vu là, quoi. Mais on les compare à la PS4 et à la Xbox, mais en fait, c'est même pas comparable parce que c'est une console portable. Il y en a plein qui diraient c'est pas comparable parce que c'est les jeux Nintendo, mais moi, j'irais pas là-dedans parce que je suis pas d'accord. C'est pas comparable parce que c'est une console portable. Point. Ça va pas plus loin que ça. Je veux dire, Apple, ils fonctionnent et pourtant, ils font la même chose, hein. C'est fermé, ça ressemble à rien aux autres et c'est moins puissant que le même prix chez Android, quoi. Et pourtant, ça marche bien, Apple. Donc, voilà, quoi. Les jeux Android deviennent mieux que les jeux consoles, peut-être plus beaux, mais pas mieux en gameplay. Mais voilà, je suis absolument pas d'accord avec ce que vous avez dit. Bref. Je suis vraiment pas d'accord. C'est-à-dire que Fortnite arrive sur Android, bah c'est bien. Qu'est-ce que je te dise? Je veux dire, le truc c'est que la Switch, c'est une excellente console qui est pas une console de salon, mais qui peut fonctionner en salon. Mais encore une fois, je pense que c'était prêt. Enfin, ils auraient dû s'avouer vaincus au niveau salon Nintendo, à mon goût. Je pense qu'ils auraient dû dire c'est qu'une version console portable, et peut-être qu'en ne mettant pas de dock, ils auraient eu un prix plus bas et qu'ils auraient fait encore plus de millions de ventes. Sachant que déjà là ils sont bien, hein, donc voilà. Mais voilà, si elle coûte 300 € déjà, de 1, c'est pas si cher que ça parce que tu peux y jouer en salon et tu peux y jouer en portable. Et puis t'as plusieurs positionnements pour jouer, c'est-à-dire que même la tablette, tu peux la mettre comme une tablette Surface, tu la poses avec son pied là. Et puis t'as une manette dans chaque main posée tranquille sur ton canapé, même si t'as pas de télé, quoi, tu peux y jouer comme ça, quoi. Non, non, vraiment, c'est génialement bien pensé. Bon, il y a deux, trois trucs qui sont quand même hein, comme le port USB qui se trouve en bas. Oui, non, mais il y a des idées à la con, mais à la Apple, hein. C'est comme la souris qui a le port de recharge qui est dessous. Et comment tu fais pour l'utiliser quand Oui. tu la recharges? Non, mais voilà, il y a des erreurs dans le même genre, mais il va y avoir une nouvelle version de toute manière. Enfin, je suis pas en train de dire que Nintendo fait aucune erreur. Voilà, par exemple, le fait que pour les grandes mains, c'est un peu compliqué. J'avoue que c'est pas la. Enfin. En version portable, ça passe, mais en version salon, avec les grandes mains, c'est plus chaud, par contre, il faut l'avouer. Sauf si t'as la manette pro. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, il y a des petits défauts comme ça. Mais en soi, c'est une très bonne console qui est la console portable la plus puissante, qui coûte 300 balles. Alors quand vous comparez avec vos mobiles, que vous me dites que Fortnite arrive sur Android, me dites pas qu'avec votre portable à moins de 300 €, vous pouvez jouer à Fortnite en plein pot. Sur votre téléphone. Voilà. Vous pourrez peut-être y jouer avec votre téléphone à 600 balles minimum. Avec votre Samsung Galaxy S9. Mais vous pourrez pas. Et peut-être le Samsung Galaxy S7 qui du coup peut se trouver à 350 €, certes. Voilà. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On peut pas appeler les SMS sur console, mais. Tu peux pas lire Oui, DVD sur ton téléphone. Enfin, alors que sur Xbox voilà. tu peux. Je veux dire, voilà. Non mais faut arrêter de comparer ce qui est pas comparable, quoi. C'est là que je voulais en venir. Voilà. C'est franchement la plus puissante. Ben oui, non mais non mais d'un jeu haut. Non mais si tu compares à un PC, tu vas me dire que t'es pas d'accord. C'est ça. DM. Mais si, c'est, mais tu ne peux pas comparer la. J'ai dit un DVD. J'ai pas dit un MKV. J'ai pas dit un fichier vidéo. J'ai dit un DVD Boule DM ou un Blu-ray. Tu disais, Feno? Je disais, voilà, on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Vous êtes en train parce que. En vrai, tu ne peux pas prendre un bœuf, tu ne peux pas prendre une pomme et les commencer à les comparer. Voilà, c'est non, mais là pour le coup, ouais, je crois que c'est, y a pas mieux que ça en fait. J'ai cherché ouais, une comparaison. Je veux dire, c'est comme si tu me disais putain, non mais sérieux, un bon gros steak, c'est quand même bien plus, ça te remplit plus le ventre qu'une pomme quoi. Mais ça a rien à voir. Voilà. Donc c'est triste de vous voir dire ça. Bon, MKV, tu peux aller lire sur Switch. Non, parce que c'est pas une console multimédia et on s'en fout en vrai. Non, on peut pas comparer les jeux mobiles et les jeux consoles portables. On peut pas les comparer. Du tout. À l'heure actuelle, on peut pas. Absolument pas, parce que t'as pas du tout le même gameplay. Pas du tout. Si tu parles que graphiquement, et que tu prends un portable qui a le même prix que la console Nintendo Switch, tu n'arriveras jamais à faire plus beau que la Nintendo Switch. Non. Je veux dire, le Zelda Breath of the Wild va le faire fonctionner sur un mobile à 300€ aujourd'hui. Non mais voilà, c'est un exemple. Je veux dire, il est, je veux dire, tu le compares à un jeu PC à GTA 5, certes, GTA 5 est plus joli. Mais non, je persiste et signe. La Switch est la console portable la plus puissante de tous les temps. En même temps, il n'y a plus de concurrence aujourd'hui. Donc voilà. C'est pour ça, moi, je la défends corps et âme au niveau portable. Autant au niveau salon, je pense que c'était une mauvaise idée. Autant au niveau portable, j'ai aucun souci là-dessus, quoi. C'est un débat non, un peu sans voilà. Fin, ça. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont en mode une console Nintendo, ça sert à rien parce que c'est moins joli que sur PC ou sur Android. Voilà. Bon, c'est un débat stérile parce que on sera jamais d'accord. Je pense qu'il, enfin, on sera jamais d'accord. De toute façon, les chiffres, enfin, voilà. Comparez pas. Les chiffres parlent eux-mêmes de façon des jeux de base. Là là. Bref. On peut revenir à ce que je disais avant oui, de partir. Vas-y, finalement. vas-y. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, c'était totalement inexpliqué. Vas-y. Donc, on parlait du fait qu'il y avait donc pas mal de personnes qui commençaient à. Enfin, d'éditeurs tiers qui commençaient à se ramener aussi sur la Switch avec des jeux assez récents ou des jeux moins récents, forcément. Hein. Mais ça, c'est bien parce que du coup, il y a du monde qui arrive. Je parlais aussi du fait que Nintendo. Fait des démonstrations au final avec ces jeux aussi pour montrer à quel point ces consoles a de la ressource. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier, hein, ça a peut-être 300€, mais par rapport et que ça ne peut pas téléphoner, mais ça a de la ressource derrière, hein, ça fait des choses. Oui. Mon char, quoi. Voilà. Et... Non, mais il y a aussi Boule de M qui était là-dedans. Hein. Il est Boule de M. Je vois pas comment comparer un téléphone. Des choses vraiment. Qu'un PC ne peuvent pas faire. Hein, la gyroscopie, je suis pas sûr qu'on en a encore sur des. Qu'on en a déjà. Si, avec certaines manettes, tu peux le faire. Non, mais je préfère te le dire avant qu'ils te le disent. Oui, désolé, Zatsune. J'ai fait tomber un truc, je l'ai ramassé. Et du coup. Ce qu'il y a aussi, c'est que donc, du coup, j'attends de voir. Fais gaffe à tout ébrouillé, Polka. Ouais. J'attends de voir le 3 pour voir ce qui va arriver déjà de 1. Bah déjà, faudrait voir le premier et le deuxième, quoi. Très drôle. Parce que je pense qu'en fait, il y aura beaucoup plus d'informations à ce niveau-là, au niveau de l'E3. Ouais. Pour ce qui est de l'année 2018, je pense que c'est encore ça sera un peu l'année de transition à ce niveau-là parce qu'il faut dire qu'ils ont mis le paquet sur le début. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument faire décoller la console. Donc il y a eu le Zelda, il y a eu énormément de il y a le ARM. Faudrait qu'il demande à Elon Musk. J'ai pas compris. Pour faire décoller la console. Ah voilà. Et du coup, il y a eu le Splatoon 2, donc il y a eu énormément de jeux qui sont sortis à ce niveau-là, c'est un peu la transition parce qu'il y aura il faut essayer d'attirer du monde, donc je pense que l'année qui va vraiment le plus marquer la Switch sera peut-être plus 2019, sachant qu'il y aura aussi en même temps la fin de la 3DS qui va arriver, donc la Switch et la 3DS ne feront même plus concurrence à l'heure actuelle. Ouais. Pas à ce moment-là, quoi. Moi je parie sur 2020. Peut-être pas 2020, mais fin 2019, une Switch uniquement portable. En plus de la Switch qui fait salon, hein. Attention. Mais une Switch qui sera avec les manettes sur les côtés qui sont pas détachables. Et que du coup, tu peux pas. Ou alors, si t'achètes un dock à part, tu pourras la faire apparaître sur le salon. Par contre, il faudra que t'achètes des manettes à côté, quoi. Tu vois, un délire comme ça, quoi. Je verrais bien ça. Parce que là, pour le coup, ils auraient de quoi se faire du fric, Nintendo. Et là, d'ailleurs, là où je dis qu'elle est plus pensée portable, c'est aussi parce que tu peux jouer en local avec d'autres Switch à côté, quoi. C'est pour oui, ça que c'est. Alors, pour le salon, tu n'as besoin que de 4 manettes et c'est bon. Tu peux le faire aussi sur Switch d'ailleurs. Hein. Mais, mais c'est la possibilité. Enfin voilà, c'est une console hybride qui est quand même plus portable que salon, mais qui fonctionne bien en salon. Disons que le principe, c'est qu'au lieu d'avoir des écrans splittés, tu as 4 écrans pour chacun des joueurs. Comme sur DS finalement. Voilà. Mais voilà. Donc, la Switch qui est une console qui est très bien. qui vaut son prix, je trouve, aujourd'hui. Parce que finalement, 300 euros, c'est pas si cher que ça en vrai. C'est sachant qu'il faut pas oublier que c'est du Tegra à l'intérieur de la Switch, donc c'est ça. Alors certes, c'est pas le chipset le plus puissant du monde, mais ça n'empêche que c'est du Tegra, c'est du Nvidia, et je pense que rien que ça, ça justifie le prix. Non pas que ça justifie par la puissance, mais parce que c'est du Tegra dedans et que c'est Nvidia qui doit faire payer un peu bonbon là-dessus. Et puis c'est du bon matos en vrai. Hein. En vrai, elle est pas mal du tout. Hein. Non franchement, allez, c'est une très bonne console, je l'ai toujours pas achetée, hein, je tiens à le préciser. J'ai pu la tester cependant dans un Micromania. Et vous devriez la tester. Vous devriez vraiment la tester avant de dire que oh, c'est nul, oh, c'est machin. C'est sûr que comparé à un jeu mobile, jouer sur une Switch, c'est pas du tout pareil en fait. Bah, en fait, jouer sur une console portable en général, en fait, hein, c'est pas pareil que sur jouer sur mobile. Je pense que déjà rien que ça, en fait, il faut au moins ça pour se rendre compte que du coup on peut pas les comparer. Bah oui, non, mais déjà je m'amuse plus sur ma 3DS que sur mon téléphone, hein, de base déjà, donc bon, voilà quoi. Donc voilà. Moi, alors là, tu vois, je dis, j'en ai marre des remakes, j'en ai marre des ports ou des trucs comme des ports. Balance ton port. Non, des portages. Balance ton portage, tu sais. Ouais, c'est le monde des portages. Je dis que j'en ai marre des portages, mais en même temps, j'ai trop envie que les Dragon Quest, tous les Dragon Quest qui sont arrivés sur 3DS arrivent sur Switch en vrai. Hein. Ah, mais franchement, ça serait pas mal. Bah ouais, parce que. Enfin, ouais. En vrai, c'est pas si grave si ça y est pas. Mais je kifferais quand même. Moi, je le dis. Pourquoi ? Parce que la Switch, c'est une console qui m'intéresse beaucoup. J'attends encore que ça s'écoule un peu pour que tout ce qui est soucis techniques d'arriver une nouvelle console, même si ça s'est assez écoulé, je pense. J'attends quand même qu'il y ait moins de soucis sur les consoles, même si je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même en partie réglé. Je croise le doigt pour la prochaine version de la console, en fait, et que ça sera celle-là que j'achèterai, tout simplement. Mais non, voilà, j'avais l'air médisant, tout ça, mais en vrai, le Nintendo Direct était moyen, hein, on peut pas dire qu'il était extraordinaire, hein, il était moyen. Ce qu'a sauvé, c'est le Smash Bros à la fin. Ce qu'a sauvé le tour, et en vrai. Au début. Ah oui, mais le WarioWare au début, ça faisait plaisir. De là à dire que c'était extraordinaire, non, mais ça faisait plaisir. Disons qu'ils ont bien commencé, ils ont bien fini. C'est ça. Complètement. Par contre, au milieu, bah, ça manquait un peu de saveur, quoi. Sans être nul, hein. C'est un peu leur pas où l'entrée elle est vachement bonne. Le plat de résistance, ça se mange, c'est pas mauvais, mais bon, vous allez pas dire que vous aimez pas parce que sinon, enfin, non, c'est même pas ça. C'est que vous pouvez pas dire que vous aimez pas parce que c'est pas le cas, mais vous pouvez pas dire que c'est super bon parce que c'est pas le cas non plus. Et vous allez pas dire à la personne qui vous invite, ouais, bof, non, vous le mangez quand même. Et puis après, vous avez votre dessert qui est quand même vachement bon. Et puis au final, vous vous dites, bon, bah, ça va aller, quoi. Avec le Splatoon 2 qui est le fromage, qui est un peu mieux quand même que le plat de résistance. Mais donc si on devait retenir deux choses, qu'est-ce que tu retiens? Enfin, deux choses que toi personnellement tu retiens, Fenon. Qu'est-ce que toi qui te fait de plaisir en fait dedans? Alors, deux choses seulement. Déjà j'avais envie de dire un, mais je mets deux. Donc je suis gentil quand même. Oui, parce que déjà en fait déjà de base il y a le Super Smash Bros. Oui, ça j'en doutais pas. Donc on ça peut pas compter pour un demi, ça. Non, c'est un. Après donc l'autre truc que tu trouves le plus cool en fait. Oh. Ah, chaud. Hein. Ouais, Bon, moi j'ai pas trop de c'est. difficultés pour moi, je te cache pas, mais. Oui, bah ça je me doute, hein. J'ai même de la difficulté à trouver plus que un en vrai, mais. Vas-y, vas-y. Ben, d'un côté, il y a le. Le. Si je dois dire une chose, le Insane Trilogy. D'accord. Oui, parce que quand toi t'auras la Switch, ça fait partie Je des jeux que prends. tu voudras, quoi. Je pourrais me l'acheter et j'aurais pas besoin d'avoir une autre console à côté, quoi. Oui, ou même de le prendre sur PC, quoi. Tu sais que tu pourrais y jouer tranquille. Eh bien, moi, ce que je retiens, c'est le WarioWare Gold. Et en vrai, c'est tout. Parce que le Splatoon. Enfin, la mise à jour Splatoon, bah, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein, il le faisait déjà avec le premier. Et puis le Smash Bros. Je suis pas un fan de Smash Bros. Je trouve ça cool qu'il l'ait annoncé, mais moi, personnellement, je m'en fous. On va dire le Mario Tennis dans ce cas-là. C'est vrai que le Mario Tennis promet d'être intéressant. Voilà. Voilà, il promet d'être intéressant. Je trouve que Ce sera un jeu Nintendo, quoi. le DLC de Splatoon sera intéressant aussi au niveau d'exploitation du lore. Ce que toi, bah, tu déplores, c'est qu'il sera solo alors qu'il risque de rien apporter. Ouais, mais après, en soi, ce qui se solo, c'est mieux parce que finalement, t'es pas obligé de l'avoir pour profiter du jeu. Donc finalement, c'est pas si Oui, grave c'est. que ça. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, on sait pas si. Enfin. Je sais pas, enfin, je sais pas où ils veulent en venir. Ça se trouve, ils vont. Quand j'en saurai plus, je dirai, ah ouais, c'est vachement cool en fait, tu vois. Je pense que pour moi, c'est plus une exploitation du lore parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez gros et d'assez. Donc, tu insinues que l'or est Une grosse. grosse. Non, je disais que. En fait, le lore de Splatoon est en fait une grosse pépite à exploiter et je pense qu'il commence tout doucement à se dire, tiens, ça serait bien intéressant de faire ça, de faire ça. Et peut-être en fait que du coup, le DLC, c'est quelque chose qu'en fait, ils se disent, on ne peut pas en faire un jeu à part. Donc, ça serait peut-être bien que si les gens sont intéressés, bah, ils peuvent avoir ça en plus. Un DLC, c'est un complément en fait. En vrai, le DLC, c'est pas un problème, hein. Moi j'attends de voir. Mais pour la mise à jour, ils auraient dû attendre enfin, ils devraient la sortir qu'au mois d'août en vrai. Fin août. Comme ça, les gens ils se sentiront obligés de payer l'abonnement pour jouer en ligne à partir de septembre. Ils auraient tellement dû faire ça en fait. Ça aurait été salaud, hein, mais. Oui, mais non, mais à ce niveau-là, Nintendo n'est pas si salaud que ça. Il peut faire des coups de pute, mais il n'est pas si salaud que ça, quoi. Oui, mais voilà. C'est juste que je sais pas comment ça va fonctionner. Enfin, je sais pas si ça va marcher le côté payant du online. Ça, c'est le principal défaut. Si je devais donner un défaut à la Switch, ça serait ça. Surtout à cause de certes. Enfin, ça tend. Nintendo. Bah, je veux dire, il y a Splatoon. Rien que Splatoon et Mario Kart fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont le payer le truc. Mais. Smash Bros. Ah oui, c'est vrai. Du coup, forcément. Ah putain, ils vont nous le sortir au mois de septembre, tu vas voir. Enfin, ou pour Noël. Ça serait plus pour Noël en vrai, parce que c'est faut un gros jeu pour Noël. Ou à moins que ça soit le Pokémon pour Noël et Smash Bros pour septembre. Oui, mais il y aura donc du coup le Pokémon aussi qui il a été annoncé pour 2018. Ah oui, donc Noël. Pokémon Noël, c'est Donc obligatoire. voilà, Toujours novembre-décembre, c'est Pokémon. encore un jeu qui va être rajouté à la liste des où il faudra payer le. Oh putain, tu te rends compte? Non mais par contre, c'est triste là. T'en compte qu'il y a des gamins qui vont devoir demander à leurs parents de payer un abonnement en ligne pour juste pour pouvoir faire des combats de Pokémon quoi. Ça c'est va falloir qu'ils trouvent un truc dans les combats de Pokémon qui montre qu'il y a besoin de payer pour jouer en ligne à ça quoi. Toi Ne serait-ce que pour les échanges, c'est gros, quoi. Oh voilà, c'est ça. C'est. J'avoue que c'est, je me rends compte maintenant de ce que ça implique. Ouais, c'est. Mais je pense qu'à côté, tu auras des services qui seront totalement. Qui du coup vont passer gratuits. Du genre. La Pokébank? Ah non. Bah, C'est vrai, c'est avéré ou c'est juste que tu penses? je pense, à l'heure actuelle, je. Ah, j'ai de sérieux doutes, hein. Bah, c'est que 5 euros par an, hein. Oui, mais. Ou alors que ça soit inclus dans le. Dans le. Enfin. En gros, ça reviendrait à gratuit. Mais en gros, si tu le veux la Pokébank, juste la Pokébank, tu payes. Si tu veux le jouer en ligne, tu payes, mais tu ne payes plus la Pokébank. Oui, bah Plus dans ce sens-là, en fait. c'est ça en fait, parce que ça ferait chiant, du coup ça serait De c'est cumuler. vrai qu'à ce niveau-là, ça serait assez délicat de cumuler les deux services, quoi. Merde, t'imagines en plus, tu cumules. Tu sais, t'as que la Pokébank qui te dit si vous voulez récupérer vos Pokémon, il faut payer l'abonnement. Bah oui, c'est surtout ça en fait. C'est, j'avoue que là, ça serait un coup de pute, par exemple. Ah non, mais là, voilà, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème, n'empêche. Parce que vraiment, là, ça pose un pépin. Parce que autant sur des jeux comme Splatoon, ça se pose même pas la question, parce que c'est quelque chose de dynamique, tu fais que ça, du truc en ligne et tout ça. Dans certains jeux FPS et tout ça, enfin, il y a plein de jeux où ça se confirme, ce genre de choses, même Smash Bros, ça se confirme. Mais alors, Pokémon, sachant qu'il y a le système d'échange, et même les combats, c'est tellement. Enfin, les combats envoient tellement peu d'informations en ligne. Enfin, je veux dire, c'est cool les combats, mais ce que je veux dire, c'est que ça envoie, ça a pas besoin de beaucoup d'infos pour se faire en ligne, quoi. Donc, j'ai du mal, vraiment beaucoup de mal à croire qu'il enfin, j'ai du mal, enfin, les échanges, quoi. Oui. Bah après, c'est vrai que c'est, du coup, on... il sera pas cher déjà de 1, c'est déjà ça. Même... Ensuite, faut voir parce que si c'est encore sur la 7ème génération, ça veut dire qu'il sera compatible avec tous les jeux qui sont actuellement sur 3DS. Et la 3DS, ils se passent quoi du coup? Non, moi je pense pas que. Enfin, peut-être qu'il sera compatible avec, mais je pense quand même que ça sera une nouvelle génération. Bah, si c'est le si c'est un Pokémon Star comme ça a l'air d'être du coup non ça sera dans la même génération. J'ai eu un sursaut, désolé, c'est que y a Pichoun qui a fait du bruit et ça m'a fait sursauter le truc. Pichoun va. Non mais vraiment, j'espère que les échanges sont gratos. T'auras pas besoin d'abonnement pour les échanges. Pour les combats, peut-être à la limite, ça se confie, ça peut se valider parce que les combats, c'est, enfin, les combats en ligne, en vrai, on peut s'en passer. Mais les échanges. Ah, déjà, il faut faire des échanges pour pouvoir compléter son Pokédex, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est... Bon, en soi, il y a des gens qui sont, enfin. Moi personnellement je m'en fiche de compléter mon Pokédex. Tu sais, je me mets par rapport à moi, mais je me dis que si moi je suis comme ça, je pense qu'il y en a d'autres. C'est pas la majorité, mais il y en a d'autres. Mais ça n'empêche que c'est quand même sympa de pouvoir faire des échanges de temps en temps, au moins entre potes, quoi. Parce qu'au pire, les échanges avec le monde entier au pif, là, les échanges miracles ou les trucs comme ça. Voilà. Ouais. Mais par contre, les échanges entre potes, genre moi, même si moi je m'en fous, si j'ai un ami qui me dit oh j'aimerais, j'aurais voulu avoir ça, et moi je dis ah ben merde, je l'ai en double alors que moi je m'en branle, ben je te l'envoie, quoi. Non mais vraiment, je veux dire, c'est vrai que ça serait con de dire ah je voudrais ça, ah mais je l'ai, ah merde, j'ai pas l'abonnement, je peux pas te l'envoyer. Non mais c'est en fait, du coup, je suis quand même en train de me poser la question de qu'est-ce qu'il en sera de l'online sur 3DS. Comment ça? L'online sur 3DS, et quoi, il devient payant, il sera reste gratuit. Non mais après ça, ouais, non mais la question, oui, non mais la question se pose pas vraiment. Ça sera lié à quoi, parce que si c'est lié au compte Nintendo, du coup, en plus. Non, je pense que la question se pose pas vraiment parce que c'est comment dire. Je veux dire, quand tu joues sur PS4 contre des joueurs PC sur le même jeu, c'est payant sur PS4, mais c'est gratuit sur PC. Voilà. Oui. Bon, c'est deux grosses plateformes complètement différentes, mais je pense que, bah, je suis même pas sûr qu'il y ait un vrai. Enfin, je pense juste que c'est la Pokébank qui fera le lien entre les deux. Je pense pas que tu puisses faire un échange direct entre la version 3DS et la version Switch. Je pense pas. Bah, ça dépend. Quand je te dis, tout dépend. Si c'est une nouvelle génération, peut-être pas. Dans ce cas-là, c'est la Pokébank qui fera le lien. Parce que ça serait quand même. Ça peut pas être la même génération. Faut voir. Enfin, s'ils veulent faire quelque chose de complètement évolué, qui soit vraiment. Qui montre ce que la Switch peut faire, je vois mal que le fait que ça soit la même. Par contre, j'imagine bien qu'on puisse revenir sur une génération précédente. Ça, je le verrais bien. Les fans de Pokémon attendent toujours le remake de Diamant et Perle. Ça serait un peu tôt pour un remake de Diamant et Perle, je pense, sur Switch. Enfin, commencer avec un remake sur Switch, ça serait triste quand même. Ça serait quand même triste. Ça sera un Pokémon original. Hein. Ben moi, je pense que ça serait énorme qu'ils nous fassent un Pokémon qui se déroule dans le. Je suis désolé, j'ai plus les noms des mondes. Dans le même monde que le rouge et bleu, ou dans le même monde que argent et or, ou dans le même monde que ces deux-là. Mais ça serait pas un vrai problème en vrai. Ils nous sortent que ça se passe des années et des années après, ils nous changent des trucs, ouais, ils nous refont le truc. Comme ils ont fait que de base, or et argent se passaient après 3 ans après. Ben voilà. les Pokémon de la première génération. Voilà. D'ailleurs, pour faire des échanges entre les deux, ils avaient instauré une machine à voyager dans le temps Mais qui était installée dans les centres Pokémon. voilà, mais ils nous sortent un truc comme ça, moi en vrai je serais content, hein. Même si, au pire, il n'y a pas de nouveaux Pokémon, mais est-ce que c'est grave? Non, les gens ils s'en foutent, ils seront super contents en vrai. Ils jouent sur la nostalgie et la nouveauté en même temps. Ça serait beau. Ça serait beau. Surtout que les versions rouge feu, les remakes de rouge et bleu datent quand même de la GBA, donc. Oui, complètement. Donc, ça serait. Je pense qu'il y Donc aurait c'est moyen de plus faire vieux quelque que chose de Diamant cool. et Perle. Bah ouais. Donc il nous ferait pas un remake, mais il nous ferait une toute nouvelle histoire dans ce monde-là qui se passe des dizaines d'années après. Comme ça, ils Ne peuvent changer ce qu'ils veulent. serait-ce que de proposer de faire d'aller dans plusieurs mondes comme Oui. ils avaient fait pas plusieurs mondes, plusieurs régions comme ils Oui. avaient fait avec Or et Argent. Bah, c'est ce que je me suis dit Et aussi. parce Du que coup, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit où qui se passe dans les deux mondes en fait. c'est Voilà. ça c'est je pense que c'est ce qui manque le plus à l'heure actuelle pour les joueurs de Pokémon. Où ils nous mettent Ils avaient tous les mondes instauré quoi. ça en fait dans et le fait de ne plus pouvoir aller dans enfin de ne pas retourner ça avait rajouté quand même pas mal C'est une bonne idée. de trucs derrière, parce qu'une fois que tu as fini la ligue, au final, il n'y a pas grand-chose hein, au niveau de l'histoire. Tu as toujours les deux, trois petites zones, mais là, au moins, ça avait l'avantage de vraiment rajouter beaucoup de choses, vu qu'il y avait carrément toute une nouvelle région à y visiter, quoi. En plus Complètement. de la première région à revisiter, bien sûr, pour aller voir tout ce qui avait changé. Complètement. Alors pour En répondre. termes d'heures, Oui. je crois que c'est le même des Pokémon les plus complets. Oui, il paraît, ouais. Pour répondre à Bouledm, non, non, les jeux 3DS vont pas être portés sur Switch, mais il y a le. Merde, comment ça s'appelle comment ils appellent ça déjà? C'est pas la Time Machine, j'avais envie d'appeler ça la Time Machine, tu sais. Non, la console virtuelle, où il y a beaucoup de vieux jeux sur Wii U et sur Wii à l'époque. Je sais pas si elle est présente sur Switch, mais dans tous les cas, elle le sera. Parce qu'avec avec l'abonnement pour Internet, il y aura des vieux jeux qui seront dispo sur Switch, qui seront offerts en fait, avec quelques modifications pour le multijoueur. Donc voilà, il y aura la console virtuelle, genre il y aura moyen d'acheter des vieux jeux, donc je pense que les jeux 3DS, il y aura moyen qu'ils soient achetables sur Twitch, sur Switch. Bref, on a beaucoup déraillé, mais on avait envie d'en discuter. J'espère que cette émission vous a plu, que ce pad and play vous a plu, parce qu'elle a quand même duré 1 heure et demie. Donc je vous dis à la prochaine, si vous écoutez le podcast, et à tout de suite si vous regardez en direct, étant donné que nous allons nous lancer dans le Paddy Café dans une dizaine de minutes, parce qu'on fera une petite pause. Bref, merci de nous suivre, ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch Papy Polka, d'aller sur paddypowow.fr, de nous suivre sur Twitter Polka le Papy et Thomas Trébafeno. C'est ça? C'est ça. Non, c'est l'inverse, mais c'est pas grave. C'est vrai? C'est l'inverse? Oui, c'est Fenot. Merde, Feno Tréba Thomas. Vous cherchez Feno Thomas ou Thomas Feno, en cherchant, vous le trouverez. Et si vous cherchez pas, si vous trouvez pas, c'est que vous cherchez pas bien. Si jamais vous nous écoutez sur paddypowow.fr, vous pouvez nous trouver aussi sur iTunes et sur tout bon logiciel de podcast parce que vous le valez bien. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!